Cet arrêt m'a causé la plus vive peine, car Venceslas n'y voudra jamais souscrire. Il se sent, il a tant de belles idées. Ce n'est pas avec des idées qu'on paye ses fournisseurs, fit observer Lisbeth. Je me tuais à lui dire cela. C'est avec de l'argent. L'argent ne s'obtient que par des choses faites, et qui plaisent assez aux bourgeois pour être achetées. Quand il s'agit de vivre, il vaut mieux que le sculpteur ait sur son établi le modèle d'un flambeau, d'un garde-cendre, d'une table, qu'un groupe et qu'une statue, car tout le monde a besoin de cela, tandis que l'amateur de groupe et son argent se font attendre pendant des mois entiers. Tu as raison, ma bonne Lisbeth. Dis-lui donc cela, moi je n'en ai pas le courage. D'ailleurs, comme il le disait à Steedman, il se remet à l'ornement, à la petite sculpture. Il faudra renoncer à l'Institut, aux grandes créations de l'art, et nous n'aurons plus les 300 000 francs de travaux que Versailles, la ville de Paris, le ministère nous tenaient en réserve. Voilà ce que nous ôtent ces affreux articles, dictés par des concurrents qui voudraient hériter de nos commandes. Et ce n'est pas là ce que tu rêvais, pauvre petite chatte, dit Bette en baisant Hortense au front. Tu voulais un gentilhomme dominant l'art, à la tête des sculpteurs. Mais c'est de la poésie, vois-tu. Ce rêve exige 50 000 francs de rente, et vous n'en avez que 2 400, tant que je vivrai, 3 000 après ma mort. Quelques larmes vinrent dans les yeux d'Hortense, et Bette les lapa du regard comme une chatte boit du lait.